se voulant amical entre binômes. Femelle et mâle préparaient les ingrédients d'un week-end rural. On fut mis à mal les moitiés de ces demi une fois encore. Au débordé de travail, les nuits d'astreinte, ration d'étreinte, heureusement que moi. Grâce à une femme, j'ai passé une bonne soirée en copine. Je jouais la cousine. Une bonne soirée en copine à lire des magazines. Toute la bible de Magali est passée de l'horoscope aux pages santé. La vie du psy, la diététique, les amours d'été. Rien ne m'a échappé. Les commentaires sur l'adultère sont ceux qui m'ont le plus intéressé. Plus de doute, ni de mystère, mais un tas d'idées que je peux pas avouer. J'ai passé une bonne soirée en copine. Je jouais la cousine. Une bonne soirée en copine à lire des. Bonne soirée en copine. Je jouais la cousine. Bonne soirée en copine. Oh, j'avais l'air fine. Dans ce soir-là, on prit à partie pour prendre en charge la défense des hommes. Un moratoire à mon profit aux dépens de ses pommes n'a pas suffi. Le plus souvent, super sympa, mais un peu malouin. Mais cherchez bien, vous avez dans l'eau une perle rare, un brin d'eau, car mais le bon numéro pour jouer dans le noir. Ça va pas, non, non, et là, voilà, dans un grand éclat de rire. Moi, je t'aime pas. Ouais, tu rigoles. Moi, je t'aime pas. Bah, mais bon, je fais de mal temps. Et moi, bien obligé de sourire. Mes intentions sont mises à jour. Je passe pour. Je passe pour.